dans le chemin plaqué. Va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il y mange pas la terre dans le chemin plaqué, sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. S'il y mange pas la terre dans le chemin plaqué, va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il y mange pas la terre dans le chemin plaqué, sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. Moi c'est un yab, m'y appelle Josumé. Moi Micha Roy fumier pour gagner une petite monnaie. Oui moi c'est un yab, m'y appelle Josumé. Moi n'a un tic bandé, m'y fouille dans mon trou de nez. Faut pas croire que je suis mécène, vous fait pitié. Parce que devant sa gueule n'a rien sentier. Faut pas croire que je suis mécène, vous les chagrins. Parce que devant sa gueule n'a point de chemin. Si lui marche pas la bien dans le chemin blagué. Va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il y marche pas la bien dans le chemin blagué. Sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. S'il y marche pas la bien dans le chemin blagué. Va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il y marche pas la bien dans le chemin blagué. Sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. Moi c'est un yab, m'y appelle Jean Firmin. Moi mes lèvres en matin pour manger lapin. Oui moi c'est un yab, m'y appelle Jean Firmin. Crois pas que dans mon tibia n'a point rien. Faut pas croire que Jean Firmin ça vous fait pitié. Aïe, parce que devant sa gueule n'a rien que sentier. Quoi faire? Faut pas croire que Jean Firmin ça vous glisse chagrin. Parce que devant sa gueule n'a pas de chemin. S'il lui mange pas la bien dans le chemin blagué. Va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il lui mange pas la bien dans le chemin blagué. Sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. S'il lui mange pas la bien dans le chemin blagué. Va chercher son talon même jusqu'à son doigt pied. S'il lui mange pas la bien dans le chemin blagué. Sa pluie à pâture n'est plutôt pas pété. Gamaloya, cette émission des tubes rétro s'achève maintenant en compagnie des musiciens du Grand Orchestre des Mascareignes et c'est la version instrumentale d'un Sega composé en souvenir du chemin de fer réunionnais, c'est-à-dire le titre à longtemps. Alors Mediazot sur le coup de plus tard sur Réunion Première Radio qui met tout le temps la musique des îles en l'air. Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Réunion Première en ce mardi 14 juin. Bon réveil à toutes et à tous, il est 5h. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. L'info revient à 5h30. Dans carré piéton, il plante comme le vent, son monde à long à tion. Quand au détour d'un carrefour, il voit un joli déesse d'amour. Oh mon cœur fait bam bam, kitiki bam bam, tiki bam bam, kitiki bam bam, bam bam, kitiki bam bam, tiki bam bam, kitiki bam bam, bam bam, kitiki bam bam, tiki bam bam, kitiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Mi amont de la case, son sourire sur mon visage. Direction salle de bain, touché par fin rasage. Car à soir rendez-vous, minuit en plein soleil. Il faut d'un planète, l'on qu'on nous délai en miel. Oh mon cœur fait bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Rien que la bling bling. Dans la forêt mannequin, mi wa mon joli flair. Mille et un mousse à miel, râlé par son loter. Oh mon cœur fait bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam. Bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam. Bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam. Bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam. S'en dévoile tout mon atout. Mais de moi il y connaît presque à peu près tout. Lydia moi mi Castro et arrête fait le beau. P-A-L plutôt plein petit béco. Oh mon cœur fait bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Bam bam ki tiki bam bam, tiki bam bam ki tiki bam bam. Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere.

comme une berceuse ce matin pour vous. Romance pour Rico, une chanson remplie d'histoire, hein, pour ça qui connaît les histoires. Bienvenue sur Réunion Première, les prévisions météo pour aujourd'hui à 5h12. Donc vous l'avez constaté, en mouvement d'un raison de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. On peut placer la météo et on peut passer à la météo aussi. Hein. Alors les côtes ouest et sud de la Réunion sont en vigilance forte houle depuis hier et ce jusqu'à aujourd'hui, 16h locale. Le soleil se lèvera à 6h52, il se couchera à 17h44. Quelques averses peuvent encore arroser le sud de l'île ce matin. La pluie l'a bien donné hier après-midi, dans le sud aux avirons notamment. Alors de belles éclaircies dans le nord pour ce matin, c'est ce qui est prévu. On a 7 degrés à la plaine des Cafres, 7 degrés également au gîte de Bellecombe, 20 degrés sur le littoral. Alors suite à un mouvement de grève, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé régulièrement. La production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Bienvenue sur la première. Réunion première. On m'a envoyé SMS, on m'a tenu à faire les cours. Bah oui. Ah bon? Ah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais parce que chaque jour, bah, à où est-ce que tu quand tu mets l'embellie de toute matinée? C'est ça. Quand nous l'aide, notre peignoir, notre éclair à nous, notre cosmos, notre la blague. Ah, ben les gaillards, ça. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle. Mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur. Moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Ah bon? Ah ben oui. C'est ça. Ben oui. Ouais d'accord. Ben oui. Ah oui. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Si. Jackie réveille la réunion. Il embrasse tous les vieux cadeaux. Grand matin. Ah. Jackie Revel sur Réunion Première. Jackie réveille la Réunion. Pépépépépépé, nous les partis, mes amis. Bienvenue sur Réunion Première en ce mardi matin. Bon courage pour tout ça qui s'apprend de la route ce matin. Comment ça se passe dans le sud là? Et prétend la pluie tombe. Envoyez un petit message pour nous, 06 92 608 335. S'il vous plaît, pour nous dire dans le sud, comment ça se passe? Comment ça se passe sur la route ce matin? 99 2000, viens Zot. Alors aujourd'hui, mardi, Prisca va amener à nous battre un petit carré, marche forain Sainte-Suzanne, et puis autre grand rendez-vous. Donc ce matin, à 7h15, eh bien, c'est Samantha Potin qui répondra aux questions de Philippe Dornier. Samantha Potin est secrétaire générale de l'UNEF Réunion, l'Union Nationale des Étudiants de France. Donc à suivre en radio et sur internet à partir de 7h15 ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Donc je vous attends au standard de la première hein, si vous êtes bien réveillés, je l'espère. Aujourd'hui, on va vous rejoindre tout de suite au standard avec nous. Qui ça l'est là? Allô, allô? Allô, allô, allô. Allô, comment il est, Jacky? Aïe, ben, maintenant qu'on peut tellement. Allô, ah, là, nous l'est dans les chutes, nous là, non? Ah, moi, dans le sud, moi, je suis la petite île, la nuit prend direction Saint-Joseph. La pluie donne paquet, la pluie. Alors, petite île jusqu'à Saint-Jo? Ah oui, au moins, oui, là. Parce que la nuit, c'est sur Saint-Joseph, voilà. La nuit, pas sur Saint-Joseph, mais ça fait livraison sur Saint-Jo, et la pluie graine paquet, il donne paquet, hein. Ouais, depuis hier, elle est comme ça, que. Depuis hier, oui, voilà, depuis hier, puisque bon, mais moi, on a quitté Saint-André, à soir, il était 19h. Et, mes téléphones, mon madame, il demande le froid, c'est arrivé. Mais du coup, ça. Ah, dis-moi, t'es grand la pluie. Depuis hier après-midi, la pluie tombe pas ici. Hein. Depuis hier après-midi. Ah oui, depuis hier après-midi, ouais, hier après-midi. Bon, ben, toute la nuit, il a tombé. Et là, ben, là, il est mouillé. Là, il tombe, là. D'accord. Selon où, il tombe partout dans le sud ou bien il y a un petit île avec Saint-Joseph? Ah non, mais on a l'impression qu'il est partout dans le sud de Jacques Mier. Hein. Il est partout dans le sud. Ah oui. Ok, mais depuis hier après-midi, la pluie n'a pas arrêté même que. Ah non, là, bon, on l'a arrêté un petit peu hier en fin d'après-midi, ce qui paraît. Mais après, connais, il y a un soir, comment l'arrivée. Moi, mon arrivée était 21h30, bah là, elle a grainé, elle a bien béni à moi, elle a bien accueilli à moi, elle est mise. Eh, Daniel, mais il dort bien quand il est comme ça, non? Qu'est-ce que ça, Jean-Pierre, Imagine l'infirmière d'ici le matin quand nous réveille. Ah, imagine l'infirmière grand matin qu'on lève, alors. Non, mais tu suis collé dans le fond, dans la tasse, là, t'es. Ah, les diatés. Ben nous, c'est ça, ni nous n'a gagné un petit temps, mais vidéo, on n'a point trop le vent, on n'a point la pluie, en fait. Mais l'étonnant, mais tu mais garde un coup, là, puisqu'en fait, on a un mouvement de grève aujourd'hui, donc, enfin, Météo France, depuis hier aussi, hein, l'été en grève. Donc, on a quand même la carte, mais il monte à haut des nuages dans le sud, donc, méditer, ben, pas possible, la pluie doit te donner même, tu. Ah, si, il donne paquet par ici, là. Ah oui, il donne paquet, et puis là, le vent aussi, là, le vent. Ouais, pas mal de vent également, hein. Ben, nous, comme ça, nous, Jacky, quand on voit, il a dit, viens, faux, froid. Ça ne sera pas là-bas dans le nord, ça ne pas dans l'est, ça. Ça, il vient pour nous-mêmes, ça. Ah ouais, quand il dit front froid, il vient vous entendre. Ah alors. Oui, nous goûtons à l'imam, nous voir ici, là, nous dans le là, nous goûtons à l'imam. Et Daniel, à nous, que ça nous gagne le front chaud? Ah, mais que pas ça gagne le tien, mais que pas que ça gagne, moi, dire. Ah, nous, nous gagne le front chaud, nous. Ah, ben, aussi, ça. Midi ouais. À le frère. Ben ouais, ça qui, mais voilà quoi. Ben, mais passe un petit bonjour à tous ceux qui l'écoutent, hein. Grand matin, ben, mais dis-le, courage à nous, hein. Courage à nous, ça qui nous est sur la route, là. Oui. Et puis, bon, ben, dans le sud, hein, les gars, ben, fais attention, hein. Bon, pas à tout, dans toute l'île, bien sûr, sur toutes les routes. Mais dans le sud plus, parce que là, elle est vraiment, la chaussée est vraiment mouillée, là, vraiment, elle est pas agréable. Eh ben, Gaillard, ben, écoute, ben, prudence sur la route, il confirme bien ce que m'a dit Talia là. Ouais. Ah, donc, oui, grosse pluie depuis hier soir, hein, avec pas mal de vent également dans le sud d'Agneau. Ouais, ouais. Et puis, bon, un petit bonjour à Will Zambrocal, à Midoua-Lidoua, sur la route aussi, de l'autre côté là-bas. Ah oui, dans le camion, il y a. Bah oui, dans le camion, il y a les bons, les gars, ils vont les bons. Son grand camion, son gros camion. Voilà, ouais, moi, pour qu'on gagne l'occasion de Wally, Ma croisali, une fois même, on a fait un petit bout de temps, hein, super. Ah. Bonjour, Will, les embrocales, d'allons, hein, super, lui, à l'écoute. Ouais, non, lui, à l'écoute, à grand matin, bon, c'est ça, là, il a repassé, ah, elle est super. Et puis, un petit bonjour à Sylviane aussi, un petit coucou à Sylviane. Eh ben, super, le message est passé, on embrasse bien fort Sylviane. Ok. Merci bien, Daniel. Ben, Jackie, ben, bon, bonne journée. Bonne journée. Allez, nous retrouvons plus devant. Allez, salut. Salut, Daniel. Daniel, dis-nous, la pluie tombe dans le sud. Hein. Attention, prudence, grosse pluie toute la nuit. Petite accalmie hier après-midi. Mais ça y est, il pleut et beaucoup de vent. Donc, prudence sur la route. 02 62 99 2000. Viens causer, viens partager un petit café avec nous, grand matin. Ça t'écoute Réunion Première. Et nous, ça va Bastia. C'est la vie. Bon réveil. Il faut pas pleurer. Oh, bébé, c'est la vie. Les histoires d'amour, il n'y a pas toujours. Il faut pas pleurer, oh bébé, c'est la vie. Les promesses d'amour, il n'y a pas toujours. Rêve des illusions, il fait perdre la raison. Même les plus beaux souvenirs, il fait aussi souffrir. Illusion, oh bébé c'est la vie. Oh bébé, faut pas pleurer, oh bébé c'est la vie. Le sentiment d'amour, il reste pas. Faut pas pleurer, oh bébé, c'est la vie. Les tourments d'amour disparaissent un jour. Rêve des illusions, il fait perdre la raison. Il faut laisser le temps, va retirer le bouton. Oh bébé c'est la vie. Oh bébé c'est la vie. Terre sur Réunion Première. La pluie tombe dans le sud, prudence sur la route. Hein. On a eu Daniel qui nous a dit, eh bien, on a de grosses pluies dans le sud, la petite île Saint-Joseph, chaussée mouillée, prudence. Il a plu toute la nuit, en plus, il y a du vent. Soyez prudents sur le réseau routier. Amis turfistes, voici l'arrivée du quintet dans l'ordre. Le 12, le 8, le 6, le 15 et l'As. Le numéro plus, c'est le 22-98. L'arrivée du quintet dans l'ordre, le 12, le 8, le 6, le 15 et l'As. Le numéro plus, le 22-98. Il y avait un tirage du loto également hier soir. Pour gagner au loto, il fallait jouer le 5, le 8, le 21, le 26, le 28, pardon, et le 36. 5, 8, 21, 28 et 36. Le numéro chance, il s'appelle également le numéro complémentaire, c'est le 8. En ce qui concerne la course du jour, vous aurez les pronostics ce matin à 6h50 sur la première. Le rappel des courses sur www.lapremiere.fr. Première. Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la couronne. Je rejoins un peu le syndicalisme. Est-ce que ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage? L'actualité réunionnaise analysée. J'ai une personne qui travaille de 12h15 à 12h45. Laissez travailler les gens. Pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu, une émission présentée par Philippe Dornier sur Réunion Première à 12h15. Et aujourd'hui, eh bien, ce matin à 7h15, Philippe reçoit Samantha Potin, donc l'invité de la matinale, secrétaire générale de l'UNEF Réunion, l'Union Nationale des Étudiants de France. Rendez-vous à 7h15. Donc, on fait la route ensemble, mes amis, comme chaque matin, 02 62 99 2000, pour joindre le standard de Réunion Première. On va tout de suite vous rejoindre. Allô, allô? Qui c'est bonjour qui est avec Guy. Nous? Bonjour. Comment il est? Eh ben moi il est bien, mais ici à où même? Ça va, comme d'habitude. Ouais. La fille a réussi la route pour aller travailler? Là, il décolle la maison, hein. Là, il décolle trop bassin. Bon, ben du moment là, il décolle dans le lit, grand matin, il est bon. Ah, dans le lit, il a décollé le matin, ça. Même si je fais. Hein? Bah oui. Où dit où? Ah oui. Ah, on aime bien fait quoi, ça, ça, moi? Qui a décollé hier matin, il fait 11 degrés. Oui. Non, matin, il fait 12. Ah, ben, la gagne 1 degré. La gagne. Peut-être en fin de semaine, va arriver 15. Ouais, il veut dire 1 degré, les bons. Comment? Il veut dire 1 degré, les bons, il dit. Ah oui. Eh, hey, dis-moi un petit coup, la pluie, toi, elle a tombé 3 bassins ou pas? Non, hier soir, le temps, t'es couvert, t'es lavé brouillard, t'es bien couvert, t'es bien noir partout. Oui. Elle avait quelques petits dégouttes, mais elle n'était pas. Comme ça, dégoûte, il était vraiment dégoûte, hein. Oui, oui, oui. C'est loin, loin, mais il n'avait pas rien. Ça pour arroser bonne jeune pied piment, ça. On connaît alors. Hein, les codes, moi, goutte à goutte comme ça, là. En plus, tu m'en matin. Ah, yo, maman, t'es mon pays. On connaît ça, oh. Hein, que ça s'est souhaité à côté, hein. Regardez, hein. Ah, Wally, ouais. Un petit bois de chouchou. Arrêtez. Ah, ça l'a réunion, ça. Non, les gars, il y a un bois de chouchou, par contre, problème pour Triali. Bon, après, il faut un peu la patience. Oui. Mais quand il y a fin de roussi comme ça, d'une marmite, ça les vire des six assiettes comme ça, là, ça les chaud. Ah. Là, oublie le front, frère, là. Ah, là, quand on regarde ça, hein? On a chaud tout de suite, hein, là. Ah, oui. La température, il monte un peu. La température monte. Ah, oui, il y a gagné un degré en plus. Ah oui. Ah, même moment où j'ai dit, elle était finie à rentrer là, non? Bon, c'est un deal pour passer nous là. Là, il y a un problème là, Dallon. Quel problème, Jackie? Il n'y a que des solutions, jamais de problème. Au Dio? Ah, Midio. Parce que là, maintenant, en fin de compte, la mène, comment il appelle? Bonne gougoute, racoto, capaille, tout ça, la mène, banane, on est là-bas des chiens de notre planète là. Tu m'as entendu ça? Ouais, mais arrive là-haut, ça fait, comment il appelle ça, un espèce vote. On dit que ça, on préfère une boîte macro? Ou bien Rougaï Zaron. Les délébons. Ah, c'est ça le problème, il faut choisir, frère. Aïe, aïe, aïe, là, Jackie. Non, là, nous les prenons, hein, Bidjo, là, nous les prenons, là. Tu n'as pas mal de l'idée? T'es, ben, m'y connais pas, m'y connais pas. Là, faudra regarder un peu, écouter un peu les affaires, comment ils tournent. Mais à mon avis, comment les parties, là, ça fait un référendum, une affaire, là. Mmh. Voilà. Il faut sortir la majorité, quoi. Ah, il faut sortir la majorité, une affaire, là. Qu'est-ce qu'on croit, là? Ils jouent et puis, là. La finale de le dire, même. La majorité va sauter, il me pense. va passer les... Nagad, Ali, bah écoute, Nassim, va lire, je vais dire rendez-vous, oui. Quel est ça? C'était moi ça, ah, bon, d'accord. Cool. Deuxième rendez-vous, sinon dimanche matin avec Elodie. Ote, bon, ah, bah, olé, bon, le frère. Ote, bon, olé, le frère. Ah, ah. Moi, les chez Zantin. Hein. Ah, depuis maman, on a plus de 10 ans. Ah, ben, il fait plaisir, le frère, super. On a un petit message à passer en particulier, Zaudi? Ouais, ben, il y a été l'anniversaire de mon petit Seb, ma filleule. Oui. J'ai eu l'anniversaire alors qu'une fois. Maintenant, on a une affaire, Jackie. Oui. Il connaît la programmation finie. Oui. On refait la programmation. Ok, passe un petit David Ramène, Amour en or, pour moi, s'il te plaît. Alors, David Ramène. Amour en or. Amour en or. Oui, ça c'est une pensée pour un petit cousin à moi. Hein. D'accord. Moi, d'avril, il y a Kitano, il y a parti. Il a parti, me dirais. Ouais, parti, ouais, d'accord, on a compris, oui. Voilà, et il était kiffement sur la chaque fois, on était passé en bas, il était kiffement sur là, il était yem camion, il était yem zafala, et tu m'en sur là, tu fais plaisir tout le temps. Bien sûr. Eh bien, écoute, le morceau, il appelle Amour en or, c'est une chanson de David Ramène. Malin, on t'a dit d'un coin. Mais pas sali, me dis pas au con, ça m'a pas sali, mais comme on est à l'écoute de la radio, m'y connaît, ou va entendre aller bientôt, frère. Voilà, quand on a l'occasion, pas sali, juste une petite pensée, c'est une pensée pour lui, ça. Super, bah écoute, il manquera pas, frère. Chaque fois, il m'y a fait là, pour me demander, ben après, nos causes, il connaît, il oublie. Là, il me dit non, il faut me demander, Jackie, ça pour moi. Eh ben, les affaires, les noter, inquiète pas d'allons. Super, Jackie, merci. Mais ça t'a un gars à jeûner? Bah merci, aussi. À bientôt. Ben, quel est le vote? Que ça? Ah, le vote, non, le vote sera pour vendredi. Vendredi? Là, il faut expliquer à Zat un peu le système où ils arrangent boîte macro. Ah, d'accord, ben dis, ben mi passe voter, moi. Ben, les bons, le frère, Gaillard. Dis Yannick, un petit coucou à Yannick, bonne routier là. Eh ben, bonjour Zat, oui. Dis Yannick, passe voter aussi, oublie pas. Ah, oui, non, mais tous les gars, ça vote, n'inquiète pas. Oh. Ah, ben les bons, c'est tous les gars, ils votent, pas de problème ça. Super, Stéphane, il retrouve ça d'allons. Ok, Jackie, bonne journée à eux. À bientôt. Allez, salut. Allez, où ça, vous venez la main. Jackie, réveille la réunion. Sur Réunion Première. Wow. De toute façon, le suivi va vous dire, vous connaissez comment il est. Wow. Viens nous voir réveiller. Wow. Maman, nous caillons en train avant de retourner. Lève, Azad, viens boire un café avec nous. Lève, Azad, viens boire un café avec nous. Et merci de votre fidélité à Réunion Première. Il est 5h30. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. And after all is said and done, well, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe? Feel something inside me saying I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me saying, but I really don't think you're strong enough. Now what am I supposed to do? Around and wait for you. Well, I can't do that. There's no turning back. It takes time to move on. I need love to feel strong. Well, I've had time to think it through. Well, maybe I'm too good for you. Strong enough now. Do you believe? là, ok, bah, les dangers comme ça. Donc bon réveil La Réunion. Florent Pagny sur Réunion Première. Un coup d'œil sur le temps pour vous dire qu'il pleut. Attention, prudence. Dans le sud, grosse pluie ce matin, petite île Saint-Joseph. Donc prudence sur le réseau routier, il a plu toute la nuit, il y a pas mal de vent également. Par contre à Saint-Denis, il fait bon ce matin. Bon, il fait un peu frais, hein. On pense à vous qui habitez dans les Hauts. Ah, doit pas être facile. 12 degrés ce matin du côté de Trois-Bassins, mais pas de pluie. On a toujours les côtes ouest et sud de la Réunion qui sont en vigilance forte houle. Donc, et ce jusqu'à 6h locale. On a un soleil qui se lèvera à 6h52 ce matin et il se couchera à 17h44. Quelques averses, hein, qui peuvent encore arroser le sud de l'île, donc en cours de matinée. Et puis de belles éclaircies dans le nord. Par contre, suite à un mouvement de grève, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé régulièrement. La production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Vous êtes perdus, car vos chefs sont aveugles. C'est aïe ça ? C'est qui le chef là-bas ? Le chef, le chef. Ma vie est sans moule. Qui réveille La Réunion ? Aïe maman, il m'a dit aïe maman, tu me fais ça. Jacques qui réveille. Ah, bon. Grand matin, c'est ça. Sur Réunion Première. Ben oui. Ah oui, ah bon, bah. Ben oui. Ah oui, effectivement. Ah ben oui. Non, je ne suis pas sur le micro, je suis sur un téléphone parce que l'appareil ne marche pas bien. C'est un scandale. Ben. Direction le marché forain de Sainte-Suzanne dans 6 minutes sur Réunion Première avec Prisca qui chaque matin eh bien, nous emmène à la rencontre des forains de notre île. 02 62 99 2000, on fait la route ensemble. Bon café à toutes et à tous. On vient avec vous au standard qui est avec nous. Réunion Première, bonjour. Bonjour. Allô, allô, bonjour, comment il est ? Ça va ? Non, pas il est en forme. Ben oui, mon pays est en forme. Ma message sur Facebook hier. Hein. Au gars, ce nous là, t'es bien en forme, hein. Aïe, aïe, aïe. Et voilà les affaires, c'est ça. Ouais, le travail qui fait ça. Ce nous que Zaron. Oui. Zaron. C'est Zaron ou t'es pas Zaron? Ah, c'était Zaron, oui. Ah oui, Zaron, c'est pas ce nous. Non, mais ce nous aussi, il est bon. Ah oui. Mais Zaron, c'est un travail, ça? Ah ben, m'a pas compris, hein, madame, elle a dit comment une naïve en miette n'a pas arrêté. Ah non, hein, ah non, Zaron, il faut arrêter après, hein, quand même. La morue, mais il veut bien. La morue, oui. Mais Zaron en miatoshi, nena, comme elle a. Je ne connais pas, moi, je ne comprends pas. Ben, où ça nous vient d'arriver, nous, la Sylvia? Ben, nous pays, depuis notre pays, quoi. Ben, comment on se jusqu'à quand il fait encore ça? Et au thème, ma banane, la fine, pas fait. Hein, il verra. Ah, t'es. Ah, ben non. Zaron en miel. Là, nous sommes dans vos mots, nous sommes un peu trop assistés. Là, c'est le Zaron, le sous-nous, comment il fait là? Non, ben après, Batbana va attraper un cuillère, va y mettre le cuillère à manger dans notre bouche. Même la morue, c'est là pour un petit bout de le rein, comment il fait là? Ah, ben vous connaissez, Wako casse le tété, comment il appelle le tété sous-nous, là, un petit goût salé dedans. Le petit colonne vertébral, le petit colonne vertébral, là. Ouais? Et voilà. La côte, là. Quand on casse à l'yandé, un petit tété, on appelle ça tété sous-nous, nous. Ben. Ça est bon, ça est salé. Mmh. Ouh là là, donc quand c'était ce matin. C'est moi qui ai fait gros piment là. Oui, gros piment, il faut mettre gros piment dedans, sinon ça piment cabri. Moi, je ne mets pas gros piment, moi. Je ne connais pas si le faux est vu photo. Oui. Ils mettent petit piment cabri ou bien piment bouc. Ouh là là, c'est quoi la différence entre c'est quoi la différence entre un piment bouc et un piment cabri? Ah ben, c'est la forme. Le bouc est petit, un petit, il est rond. Oui. Le cabri est un petit peu plus gros, un peu côtelé. Oui, et un peu cabossé. Est-ce qu'il brûle la lèvre quand il mange? Ah, le piment en bouc, là, oui. Hein, quand on crume un cru même. Ah, mais il mange les crus aussi. Hein. Alors, un piment cru, les meilleurs que piment cuit. Non, c'est bourré de vitamines en plus. Il y a plein de vitamines dans le piment. Et voilà. Mais bon, pour l'estomac et la digestion, c'est autre chose après, hein? Ah, ben, souvent bien les guémons, rafraîchit bien, là, on n'a pas de problème. Non, mais les vrais, voilà, il faut bien équilibrer en fait. Ah ben oui, oui mais bon. Le petit bras de chouchou là, on l'a dit qu'il s'est bougé, mais là, comment on peut pas être belle sans souffrir, mais on peut pas bien manger sans passe-temps un thé et un truc de bras de chouchou. Oui. C'est ça qui fait une affaire de charme, non? Sylviane, arrête, non. Vous pouvez dire, moi, ça couvait, ou quand par exemple, il arrive, c'est pas même ça, bah t'es carré ça, la zi là-haut là. Si moi, n'est-ce pas, il trie là. Ben, je préfère acheter, il est un petit peu plus cher, pas grave. Mais après, on s'accroche déjà trier. Parce qu'il y a des fois qu'on est cuit ou on a envie de manger ou. Mais quand on regarde le paquet bread chouchou dans les frigidaires, c'est pas les poser, t'es bas là. Ah, ça rentre là-dedans, là. C'est le temps. Mais faut pas mettre à l'idée de nervosité. Décoiré, vous triez, fini. Vous trouvez une motivation? Ah ben oui. Ah ben c'est le motivation, là, de faire les jobs pour trouver des. Eh, comme il y a des mots fait de bois le dimanche, ou bien le samedi, ou bien la semaine, si je ne travaille pas, ou bien en vacances, ou bien c'est un jour de fête. Hein. C'est avec plaisir, mais les mots fait de bois, pas obligation, j'ai qu'à manger. C'est ça l'enfer. Oui, mais vous faites ça vraiment par plaisir, ou on a le temps, ou après, ou la besoin de ça, ou en fait ben, c'est un plaisir de passer un temps, faire cuire à manger, nettoyer le jardin, nettoyer le cas, c'est ça. Ah oui, ben, on est sous la contrainte, là, on ne fait pas, on n'est pas en vie même. Ben, on vit dans la saleté. Ah non, non. Hein? Si, non, mais Média, je ne nettoie pas. Par tous les sales, le rat, il vient, mode de pied. Le rat, comme là, on a tant de bas de carré. Tant de bas de carré, vient, mode de pied dans la case. Ben oui. Là, vous poussez, il dit, eh ben Mais comment il fait? Le soir, il dort, tant côté où? Ah, il dort côté un tang. Ça serait pas mal, dit ça? Non, non, non. Hein? Non, non, non. Sylviane, nous l'entendons dit d'allons grand matin là. Oui, bonjour, salut. Ah, là, dit la pluie donne pas qui. Comment Saint-Paul, comment il est par là-bas? On a un peu la pluie ou pas? Là, le temps est couvert, on n'a pas la pluie. Il fait. Au samedi, il fait 12 degrés, 11 degrés. D'accord. La pluie n'est pas tombée de non plus hier? Non, il menace, il farine en l'air, après il n'arrive pas à terre. Et moi, mon emmerdé, mon pluie arrose mon rosade. Hein? Et là, il ne connaît pas comment ça arrive. Il veut tomber, il ne veut pas tomber, il tombe ah, pas. Ah, il serait content, il tombe un peu. Hein. Il serait gaillard vraiment, hein. On a besoin. Hein. Ben oui. Ouais. Comment il annonce votre journée sinon, Sylviane? Ah, vous connaissez mon journée, comment il annonce? Hein, où ça travaille? Non. Non, on ne travaille pas aujourd'hui. Donc, dans la cour là, alors? Hein. Une affaire, vous faites dans la cour? Non, mais ça va, mais ça va avoir de la cour là. D'un instant, ça sonne pour mon collègue, mais nous ça la crève, nous là. Donc, ah, crève, d'accord, ok. Pour la loi Cambry. Quel côté il manifeste là? Ben, il manifeste jardin de l'État, la préfecture, je crois. D'accord, quel est bien, petit marché. D'accord, très bien. Bon, ben, 6h30, normalement, on aura un journal, donc nous va parler de ça. Ben voilà, m'expresse, il y a été la fête Antoine, ben, bonne fête Antoine Garnier, on peut gagner téléphoner. Oh, les gentils, merci Sylviane Marginali, t'as fait plaisir. Alors, mais passe un petit message, bonjour oui. À tout le monde, et tous les ouvriers bâtiments de la grève aujourd'hui, nous la trouvons saignée. À bientôt Sylviane. Allez, bonne journée, allez, gros bisous. À vous, au revoir. L'invité de la matinale. Je ne viens pas bégayer sur des éléments de langage. À quoi sert la lumière du soleil lorsqu'on garde les yeux fermés? Les gens qui manifestent, ils ont les yeux fermés. Alors, vous me cherchez. C'est peut-être pas moi qui vous cherche. Faudrait peut-être se mettre un petit peu à la place également. Ils n'ont pas voulu la guerre chez eux. Hein. À 7h15, c'est l'interview qui fait l'actualité. Philippe Dornier. L'invité de la matinale à 7h15. Sur Réunion Première. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? Wouhou! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Samedi 18 juin, à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île, où ça nous ça va en concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.réunion.fr. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence-concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Est-ce que nous la fin de boire un petit café chez Marché Forain Saint-Suzanne? Bonjour Prisca. Ah oui. Bonjour Jackie, bonjour La Réunion. Bah écoutez, j'étais obligée de rentrer dans le camion avec Michel. Michel, il a un camion où il vend des saucisses boucanées. Et on était obligé de se mettre dans le camion pour boire le café, Jackie, tellement le vent les fort là. Je crois que ça va être l'élément marquant hein, sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Alors, Monsieur Gondin, de l'autre côté du marché, il est en train de mettre des goyavis en barquette. Vous savez, il y en a encore hein, des goyavis à déguster ici. Cathy, elle arrive seulement. Bon, vous savez, c'est frais, hein, donc les bazardiers prennent un petit peu plus de temps. Johan, il est en train de servir monsieur là-bas. Monsieur, il est tombé dans une caisse banane ce matin. C'est ça? Bonjour, Johan. Oui, comment il est? Oui, ça va bien. Bon matin, là. Ouais, on a fait une attache ou de parasol, là. Voilà, fait attacher, mais le vent est très fort ici. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Donc, comment on fait alors? Mais là-bas, on fait un petit peu avec. Hein. Ouais. Parce que vous connaissez Jackie, il n'est pas évident. Hein. Bana, il tient parasol, en même temps, il rend de la monnaie. Ah, bah oui, bah oui, sinon on peut le vent, bah oui, il n'est pas évident même. Alors, Johan, il a déjà coupé de belles tranches de citrouille. Et puis juste à côté, il y a ce qu'on appelle des œufs de dinosaure. C'est quoi ça, les œufs de dinosaure, là, Johan? Vous connaissez ça, ou Jackie? Ah non, on ne connaît pas, non. Ça, c'est du calbas. C'est des calbas. Des calbas, bah, oui, d'accord. C'est des calbas, elles sont rondes, mais on dirait des œufs de dinosaure, en fait. Donc c'est pour ça qu'il les appelle comme ça. Comment on vend ça, là, Johan? On vend à la pièce, c'est à 2 euros et 2,50 euros. Ça dépend de la grosseur. C'est un bon petit sauté calbasse, là, aujourd'hui, là, Jackie. Ça serait bien, non? Non, même pas calbasse. Ou même pas calbasse? Non, même citrouille, calbasse, pas mon affaire. Ah, bah écoutez, parce que vous n'avez jamais goûté la calbasse préparée par Johan. Attends, la calbasse de Johan, c'est la meilleure calbasse du monde? Hein? Mais dis-moi, écoute, là, c'est quoi, c'est calbasse lagale ou bien bonne calbasse normale? Non, justement, en fait, les calbasses, la calbasse ressemble à un œuf, en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça les œufs de dinosaure. D'accord. Vous aurez la photo incessamment sous peu sur le site Facebook de Réunion Première. D'accord. Par contre, si vous savez, Michel, il veut bien ce sec boucané. Hein. T'as vu comment les gars dire? Est-ce qu'on va chercher Graton? Graton. Nana la case, ne mange pas. Nana la case. Ben. Bon, bah écoutez, on va vous mettre quelques images du boucané de Michel et les jeux de dinosaures. Et puis vous aurez un aperçu du marché forain de Sainte-Suzanne. En tout cas, venez nous rejoindre. Il n'y a pas de pluie ici, mais il y a beaucoup de vent, Jacques. Donc beaucoup de vent, c'est vrai qu'on entend le vent derrière, mais pas de pluie, donc Prisca à Sainte-Suzanne ce matin. Bien. Rendez-vous à 6h20 pour un autre rendez-vous fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h10, donc si vous habitez à Sainte-Suzanne ou encore... Alors à Sainte-Suzanne, il va y avoir des coupures d'eau prévues pour demain, on vous en parle dans quelques instants. Et puis pour aujourd'hui, donc mardi, à la Possession, au Tampon et à Sainte-Marie, coupure d'électricité, je vous dis tout, après les avis de décès sur la Première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Picard, Jean-Noël. Décès de Monsieur Picard, Jean-Noël, décès survenu le 10 juin à l'âge de 49 ans. La veillée se fera à la chapelle ardente de l'hôpital de Saint-Pierre. La cérémonie religieuse sera faite par un pasteur. Mission salut et guérison à 15h à la chapelle de l'hôpital aujourd'hui et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Bègue Jeanne Thérèse, née Dijoux. Décès de Madame Bègue Jeanne Thérèse, née Dijoux. Décès survenu hier à l'âge de 64 ans. Le convoi mortuaire sortira du 18, route des Géraniums, PK17 à la plaine des Cafres. La date et l'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Or Michel. Décès de Monsieur Or Michel. Domicilié au 41 rue Bagatelle à Belle-Pierre à Saint-Denis. Décès survenu hier à l'âge de 97 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu à la chapelle de Prima à 16h30 cet après-midi et sera suivie de la crémation. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Douanier Marie-Thérèse, résidente à l'EHPAD de l'Entre-Deux. Décès de Madame Douanier, Marie-Thérèse. Décès survenu à l'âge de 81 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud ce jour à 11h30. L'inhumation se fera au cimetière de l'Entre-Deux à 12h. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Arabou, Jules, Sylvia, Claude. Décès de Monsieur Arabou, Jules, Silvio, Claude. Décès survenu hier à l'âge de 76 ans. Le convoi mortuaire sortira à 14h30 du numéro 8, impasse Ambroise. lotissement Grévilléa au Tampon, à 15h cet après-midi. L'inhumation se fera au cimetière du Tampon. Réunion Première vous fait part du décès de M. Robert Théophile. Décès de M. Robert Théophile. Décès survenu le 8 juin, à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira de l'EHPAD de l'Entre-deux. La bénédiction aura lieu à 14h. Ce jeudi, en l'église de l'Entre-deux, l'inhumation aura lieu ce jeudi au cimetière de Saint-Pierre. Réunion Première vous fait part du décès de M. Alanois André Elie. Décès de M. Alanois André Elie. Décédé hier à l'âge de 63 ans. La veillée se tient à son domicile, 73, rue Jean Laurette, Ravine des Citrons à l'Entre-deux. L'heure et le jour des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Et on passe maintenant aux informations pratiques. Alors ça concerne la commune de Sainte-Suzanne. Pour vous signaler que la porte vient tout seul. Arrête de déconner donc. C'est quoi ça? Arrêtez. Enfin, un peu de saleté dans le bras. Arrêtez. Sainte-Suzanne, coupure d'eau pour demain, prévue à partir de 8h. Donc 8h, pas d'eau dans le chemin bassin de Boue, camp des Évis, chemin commune Bègue et voies adjacentes, chemin de Palmas, chemin de Ruisseau. Chemin Émile Morel, chemin Montrose, partie basse et voies adjacentes, chemin Safer, deux rives, impasse Saint-Jean des Capucines, des deux rives, des Muguets, rue Duguin également, dans la rue Gamanga, Guinasso, rue Laurent d'Amour, rue Marchande, rue Pablo Neruda, rue Raymond Vergès, rue Saramito, et nous sommes toujours à Sainte-Suzanne, donc rue Sarda-Garriga, des Ananas. Lotissement Michel Técher, lotissement Les Florianes, commune Caron, commune Angot. La remise en eau est prévue à partir de demain même, hein, sauf incident donc dans ces secteurs. 8h-18h, coupure d'eau. Coupure d'électricité maintenant, et ça c'est pour aujourd'hui, à La Possession. Vous habitez à La Possession, vous serez privé de courant aujourd'hui de 8h30 jusqu'à 14h30 dans l'allée du Verger. Rue Denis, Diderot en partie, rue Mozambique, rue Maurice Thorèse. Et dans le chemin Barouti. Ça, c'est pour La Possession de 8h30 à 14h30. Au Tampon, pas d'électricité de 8h50 à midi. Aujourd'hui, à la Plaine des Cafres, rue du Père Hoc, chemin Notre-Dame de la Paix, impasse Terre-Neuve, impasse Jean-Baptiste Payette, route nationale 1 des Émeraudes, chemin des Cryptomélias, rue d'Aquitaine, rue Abraham, rue d'Auvergne, impasse des Cryptomélias, route nationale 3 en partie, rue de la Gironde, rue de Nantes, chemin Canal, rue de Versailles, chemin Jean-Baptiste, chemin des Agates, rue Alfred Lacroix en partie. Donc voilà, dans ce secteur, 8h50 midi, pas d'électricité au Tampon. À Sainte-Marie, de 8h35 à midi, vous n'aurez pas de jus. Donc d'électricité à partir de 8h35 dans le chemin Compteur, sur route des Fleurs, route de Beaumont, impasse des Filao, chemin des Azalées, ça concerne Sainte-Marie. Coupure d'électricité pour aujourd'hui, 8h35, et ce, jusqu'à midi. Voilà pour les informations pratiques de ce matin. Réunion Première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Le studio la ferme tout seul. Que ça arrive là, il faut me savoir un petit tisane romarin, on dirait. La gagne un saisissement, non mais il fait bien. Quand les affaires comme ça y arrivent là. Allez, Ageya sur La Première avec Parisienne. Tu déambules tous les matins, plus de motivation que du chagrin. Et si l'harmonie ferme ses portes, le couloir de la mort sans escorte. Et dehors ceux qui pleurent sur leur sort, essuieront les larmes de mon corps. Une vie sans blessure c'est trop long. Prends le cash et te pose pas de questions. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. Ma jeunesse devient ancienne, je suis seule comme une parisienne. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. été acrobatique. Les sentiments deviennent chimiques. Tu donnes ta rien en retour. Il se bat avec une autre ton amour. Qui viendra bousculer mes habitudes. Qui viendra me faucher ma solitude. Habiter sur l'échafaud de la maille. Je retourne d'où je viens dans ma grisaille. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. Ma jeunesse devient ancienne. Je suis seule comme une parisienne. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. Ma jeunesse devient ancienne. Je suis seule comme une parisienne. Je pourrais Il pleut dans le sud, mes amis, donc prudence. Ce matin, on fera un point sur la météo aux alentours de 6h15. Voici l'horoscope présenté par Juliette. Bonjour, comment allez-vous en ce mardi? Nous sommes le 14 juin. Bonne journée à tous et à toutes, on fête les Élysées. Moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver l'horoscope de la première. Sans plus attendre, on y va. Bélier, l'horizon se dégage enfin pour vous. Taureau, c'est le moment ou jamais de sortir votre carnet d'adresses car il y a du mouvement côté professionnel. Gémeaux, vous captez l'attention par votre finesse. La finesse en tout cas de vos analyses. Cancer, même si la pression monte, vous marquerez des points grâce à votre humour aujourd'hui. Lion, écoutez votre libre arbitre, un peu plus au moins. Vierge, essayez de faire le plein de vitamines pour récupérer votre tonus. Balance, c'est le moment de faire tapis et l'on va vous suivre, vous verrez, aveuglément. Scorpion, votre partenaire n'est pas responsable de vos déboires professionnels. Inutile de l'accabler. Sagittaire, en couple, prévoyez un très bon climat. Capricorne, la période promet d'être excitante. Verseau, c'est une journée qui vous réserve un éventail d'émotions. Poisson, termine par vous, c'est le moment de vous faire mieux connaître. Bonne journée à tous et à toutes. Eh bien, quel que soit votre signe, Réunion Première vous souhaite de passer une belle journée à l'écoute de ces programmes, mardi 14 juin 2016. Bonne fête à Candice, Élisée, Ruffin et Valère. Il est 6h à La Réunion. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. L'info revient à 6h30. Oui, des nations et mon mensonge et mon douleur. Mais des nations et mon mensonge et mon fait clair. Oui, des nations et mon mensonge et mon douleur. Et maï, mon fond de cœur, et maï. Il tape mon malheur. Kakaï, den sixième, et kaï. Kakaï, mon bonheur. Trompe pas, bibi Jaco, ayo. Crie. Si mon pot trompe pas, bibi Jaco, ayo. Crie, craque de si mon pot. Crie, craque si mon pot. Crie, craque de si mon pot. Crie, craque si mon pot. Crie, craque de si mon pot. Songez mon mensonge en lumière. Oui, Nena, mangez mon mensonge la rouvert. Mais Nena, songez mon mensonge en lumière. Oui, Nena, mangez mon mensonge la rouvert. Il se bat, donne mon cœur, il bat pas. Il se bat contre mon cœur. Il capaille en s'éclair, aïe aïe aïe. Il capaille mon l'honneur. Bibi Jaco, ayo. Crie, craque si mon pot. Trompe pas, bibi Jaco, ayo. Crie, craque de si mon pot. Crie, craque si mon pot.

ti mwen ti Fini chan e mwen ton kwa oh oh Chan yon ton ke fou e mwen kat Son pou ekri l'histoire nou oh oh oh oh E si jan mwen ou pe di mwen Fini chan e mwen ton kwa oh oh Chan yon ton ke fou e mwen kat Son pou ekri l'histoire nou oh oh oh oh hey. Si ou deside voyaje pou kou se tani sa ou le pa ni plas pou dout la vi a tout kout mwen Dilove ce matin, Morane, Doudou. Il est déjà 6h15, donc en raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Voici les prévisions météo pour la journée. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à nous dire qu'il y a de grosses pluies en ce moment dans le sud. Donc une pluie qui n'a pas arrêté depuis hier après-midi. La pluie l'a tombée toute la nuit. Alors, on a eu bonnes averses et on a encore de bonnes averses à Saint-Louis, Saint-Joseph ou encore Petite-Île. Prudence sur la route. Et ça souffle côté ouest, sur les côtes ouest et sud. La Réunion est toujours en vigilance forte houle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, 16h locales, soyez prudents au bord de mer. Alors, le soleil se lèvera à 6h52 ce matin. Il se couchera à 17h44. Quelques averses qui peuvent encore se produire tout au long de la matinée, principalement dans le sud. On aura droit à quelques éclaircies dans le nord. Des températures fraîches, hein, 4 petits degrés au 27e kilomètre à la plaine des Cafres, 20 degrés sur le littoral. Alors suite à un mouvement de grève à Météo France, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé régulièrement. La production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Et prudence, si vous êtes dans le sud ce matin, puisqu'il pleut, nous allons tout de suite rejoindre Yves Rouillet pour l'information routière. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière en direct de l'échangeur des colimaçons. Bonjour Yves. Bonjour Jackie, bonjour à tous. On se retrouve dans la nuit noire. Il fait encore bien sombre, d'autant qu'il y a des nuages sur l'ouest. Il y a juste une petite éclaircie, en tout cas une zone sans nuages ici à partir des colimaçons. Et alors peut-être jusqu'au niveau du plat, parce que je reçois, après on aperçoit encore la bande nuageuse noire, le cordon blanc tout en bas, ça veut dire qu'il y a de la houle et que c'est bien marqué au niveau de la baie de Saint-Paul, de la pointe des Châteaux. Ça, c'est pour le côté météo, donc une route mouillée, bien trempée, hein, donc vous l'avez dit, l'endroit où il a plus plu, donc quand semble-t-il, sur ces dernières 24 heures, c'était le tampon, donc très très arrosé, des tampons Saint-Philippe, et puis les hauteurs du sud sauvage, mais il a bien plu également sur le littoral sud, donc attention à votre conduite. Il y a eu une perte de contrôle, notamment sous la pluie hier après-midi sur la 80 tampons. Faut-il le rappeler? Alors, il y aurait peut-être un accident au niveau de la ravine des Poux dans le sens sud-nord, mais ça, c'était pas encore garanti, puisque du côté à la fois des pompiers, mais j'avais pas eu l'information, et du côté de CRGT, il y a eu un appel, donc il y a peut-être une perte de contrôle sans gravité. Attention, ravine des Poux, c'est justement à proximité de Saint-Leu, donc je devrais pouvoir apercevoir ça assez rapidement. Des bouchons en haut du viaduc, juste après la tranchée couverte, ça, c'est pour le démarrage des difficultés dans le sens sud-nord pour rejoindre donc Cambé dans un premier temps. Entrée ouest sans difficulté et des ralentissements, attention, dans l'est qui se font surtout à proximité de l'échangeur de la Marine et la montée de Bel Air, puisque on est quand même sur une fin d'année scolaire et ça s'est senti et ça se sent sur le trafic, notamment le matin. Alors de pointe, vous l'avez bien sûr remarqué. Très bonne route, attention, prudence avec la pluie ce matin dans le sud. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Première 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nous allons la cour. Bonjour, bonjour, comment ça va? 10h midi. Radio Novella, le cinéma, les bons plans, Song Story, la matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Dans 5 petites minutes, on va prendre la direction de Sainte-Suzanne. Où ça n'a bon peu le vent, on n'avait point la pluie hein, ce matin, mais pas à compte. On avait bon peu le vent, et presque à la rencontre Michel, ils vont de saucisse boucanée ou encore Joanne avec ses belles tranches de citrouille et ses œufs de dinosaures. Ben voyons, des œufs de dinosaures. D'être joli jusqu'à... Eh ben alors, on va faire un tour du côté des SMS, donc 06 92 608 335. Bonjour à Isabelle de Saint-Louis, il a dit Sylviane, m'a envoyé un peu la pluie pour où elle ? Eh bien ici, depuis hier, nous les dedans. Ben, bon courage, on pense à vous, hein, Trois Bassins, Le Tampon, Saint-Philippe, Yves Gruyé nous l'a dit, littoral sud, donc petite île Saint-Louis, de la pluie, soyez prudents sur la route ce matin. Et si vous avez des informations concernant cette perte de contrôle au niveau de la Ravine des Poux, dans le sens sud-nord, n'hésitez pas, eh bien, par texto, s'il vous plaît, 06 92 608 335. Salut à Mimose, salut également, alors monsieur Jackie, comment il est? Merci à Zot pour les imaginations, grand matin. Dit monsieur Daniel, mettre pouce café pour délai de cycle dans le fond tasse. Ah, c'est là que c'est bon. Will Zambrocal, hein, bonne journée à toutes. Sainte-Anne-le-Vent, avec la pluie également, prudence, d'allons sur la route. Votre gros camion, belle journée, Will Zambrocal. Bonjour Dallon, il fait 4 degrés au 27e kilomètre. Signé Baroudea, bisous à toutes et bonne route à vous. Bonjour à toute la Réunion, tous les matins nous apprécions les affaires sur Réunion Première, les Gaïa. Un petit coucou à ma reine du Sud Sauvage, 13 degrés à la chaloupe, mais pas de pluie ni de vent. Signé Olivier, salut à Edith des Avirons, il pleut, il y a du vent. Je fais un coucou à ça, mon petit cœur adoré, Guy de Saint-Jean d'Agneau. À Sabine, Josie, ainsi qu'à toute l'équipe de Réunion Première, gros bisous. De la pluie tombe encore depuis hier soir sur Petite Île et il fait frais au thé. Mais il faut aller travailler, gros bisous à Véro du Sud. Encore un message au 608-335, Colette de la Saline qui souhaite un bon anniversaire à son neveu qui s'appelle Jaganadan. Jaganadan ou Jaganadan, je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, joyeux anniversaire à lui. Et Colette, on vous embrasse. Il paraît qu'il fait froid dans le sud. Oui, il fait froid ici. Il fait bon. Il fait juste bon. Donc un bisou à mon mari Thomas et à mon papa Blaise. Sur la route, gros love. Bonne journée à toutes. Signé A du port. Le message, il est bien passé. Allez, le meilleur de la musique sur Réunion Première. La musique locale. On se réveille ce matin avec la voix de Ségaël. Et le titre, c'est « Tu as changé ». Bon réveil à l'écoute de la première. Entre nous, les tristes. Tu as changé, c'est Gaël sur Réunion Première. On prend tout de suite la direction de Sainte-Suzanne. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Avec Michel en compagnie de Prisca au marché forain de Sainte-Suzanne ce matin. Eh oui, il me donne un coup de main, Michel. Michel est en train de ranger carambole sur la table. Bonjour Michel. Bonjour. Bah à cause de deux pâtés à thé, hein, Michel. Mais il fait frais là, à cause de deux pâtés à thé. Pas les calinés, le pied à thé. Je suis même là, il est tout le temps habitué. Oui. Il est passé le pied même pas mettre soulier dedans. Mais c'est pas mal. Non, mais ça va, ça va, ça. C'est un bouc dangereux, Michel, là. Un petit calé. Bon, tu fais un dans la roulotte, là, on met un petit fer dedans. Oui. Un petit fer, et puis ça y est. Et non, en fait, vous ne mettez pas de chaussures? J'aime presque jamais. Presque jamais. Bon. Même pour vendre vos légumes sur les marchés. Quand on fait un mariage, t'es pieds nus. Quoi, on n'a pas de mariage en France, t'es pieds nus? Oui. Et vous avez entendu l'anecdote de Michel? Le gars est dangereux, le gars est bon. Ah, le gars est trop fort, le gars est trop fort. Le gars est trop fort. Il a une petite voiture, et dans le coffre de sa voiture, il a aménagé un endroit pour ranger ses bananes. Combien de kilos de bananes il rentre dans ce kiloto là? Ah, il rentre là-dedans, banane. Ah, il rentre au moins 300-400 kilos. Alors, vous êtes très original parce qu'il n'a pas de caisse, lui. Hein. 300 kilos de bananes dans sa petite voiture blanche. Michel a ramené... Bonjour Marie-Armande, comment ça va? Il peut aller. Il peut aller. Alors, vous voyez, vous vivez la vie du marché en direct. Michel, on la ramène un fruit rare, là. Quoi? C'est la... Oui. Ça pote les rares, ça. L'anassac n'est mûr, l'anassac n'est pas mûr. Oui, oui. La chair... du sapote, les quelles couleurs dedans ça? Mais un peu marron, j'ai un peu cacapoule. Aïe aïe aïe. Il commence. C'est vrai que c'est pas très agréable. Hein. Ça donne pas trop envie de manger, hein, Jackie. Hein. Mmh. Avant, tu appelles ça comment? Cacapoule. Cacapoule. Bon, allez, il y a des tomates sur le marché forain de Sainte-Suzanne, Jackie, à 80 centimes le kilo. Ah, ça a baissé. C'est bien ça. Ouais, ça a baissé. Par contre, après la fête du chouchou, le prix remonte, puisque 1 euro, 1 kilo de chouchou en ce moment sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Et vous savez que dimanche, c'est la fête des papas. Nous allons vous gâter en direct des marchés. On est en train de préparer le panier garni où Michel va y rajouter une sapote, en fait. Il y aura des caramboles, des bananes. Et le mot de passe, ça sera sapote avec Réunion Première. Donc gardez bien en tête ce mot de passe. Et venez rejoindre toute l'équipe de Réunion Première en direct du marché forain de Sainte-Suzanne entre 10h et 10h30. Donc vous avez vraiment le temps hein, de venir nous rejoindre ici dans l'Est. Et restez connectés sur Réunion Première. Bon courage. Hein, merci si vous êtes Prisca, en direct de Sainte-Suzanne ce matin. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Le mot de passe pour aujourd'hui, c'est sapote avec Réunion Première. Sapote. Donc, mot de passe à retenir. Donc, si vous allez rejoindre Prisca tout à l'heure aux alentours, entre 9h50 et 10h30. Voilà, sapote avec un S. Oui, parce que capote, avec la fête des pères, je voyais pas trop, en fait. Bah, ça m'a même dit, ça donnait un capote, bonne ça papa là. Ben le non. Bon moment, ça m'a dit, ben quoi, arrivé encore là. Oui, sapote, c'est mieux. Cécile Thomas, l'arrivée pour la présentation du journal qui arrive dans quelques instants. On va d'abord prendre des nouvelles du trafic avec Yves Gruyé. Je vous rappelle qu'il pleut dans le sud. Donc soyez prudents au tampon. Hein. Il a beaucoup plu hier à Saint-Philippe sur le littoral du sud sauvage. Également à Petite-Île à Saint-Louis. Par contre, il fait beau dans le nord. On va tout de suite rejoindre Yves Gruyé. Trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Alors, est-ce qu'il y avait une perte de contrôle au portail, ouais, Yves? Oui, alors pas au portail, hein, un peu plus loin. Donc, alors, c'est pas la ravine des Poux, c'était en fait entre Stella et la ravine du Cap, moins d'un kilomètre de l'échangeur de Stella, dans le sens sud-nord, donc bien confirmé. C'est un véhicule qui est parti en toupie, donc qui s'est arrêté à contresens. Et alors, il était immobilisé contre la glissière à droite de la chaussée sur la bande d'arrêt d'urgence, l'avant écrasé. Une patrouille l'a mise en protection, donc il y a bien un véhicule de la DRR qui est également juste en amont pour vous faire décaler un petit peu sur la gauche. Mais la circulation se fait sans gêne, il n'y a pas de gêne, vous roulez normalement hein, sur cette partie sud-ouest de la route des Tamarins. Donc après l'échangeur de Stella, je le rappelle, donc il va falloir faire venir un camion de remorquage. Je peux penser qu'il y a que des dégâts matériels, puisque je le disais tout à l'heure, les pompiers n'avaient pas reçu d'appel de secours victime sur cette perte de contrôle route mouillée, vous avez compris. Donc, bah, cette voiture est partie en toupie, ça veut dire soit vitesse inadaptée, soit des pneus en mauvais état également, notre automobiliste qui freine, etc. Un petit coup de volant et boum, ça part dans le décor. Attention à votre conduite et justement à avoir des pneus en bon état, surtout en cette période. Vous avez compris que la saison est très arrosée dans le sud, donc il est nécessaire de rouler en toute sécurité. Voilà, feu de croisement encore allumé parce qu'il fait encore bien sombre sur cette partie, enfin sur toute l'île de toute façon, mais avec de la route mouillée, il y a des projections d'eau. Restez très très prudent, des embouteillages, pas de changement, c'est toujours juste à la sortie de la tranchée couverte du viaduc du Bernica, et puis l'entrée ouest est encore fluide, entrée est également sur Saint-Denis. Bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture pour vous rendre au travail, prudence ou peut-être déjà au boulot. Bon courage en ce mardi matin. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h31. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les détenus suspectés d'avoir participé à la bagarre générale à la prison de Domingueau devant la justice, ils seront présentés en comparution immédiate ce matin. La semaine dernière, 7 gardiens avaient été blessés dans ces violences. Nouvelle journée de grève nationale et générale contre la loi travail. Nous entendrons la FSU qui demande le retrait du texte et Jean-Claude Fruteau, le député maire socialiste de Saint-Benoît, qui lui défend le texte. Au travail, le numérique vous facilite-t-il la vie ou la complique-t-il ? Question posée suite à une enquête Ipsos et qui fera l'objet de débats dès demain à la Nordev à Saint-Denis. Puis la Nordev qui accueille toute la journée d'aujourd'hui les donneurs de sang à l'occasion de la journée mondiale du don du sang. Reportage à la fin de ce journal. Réunion Première, Cécile Thomas. Ils seront donc 7 devant le juge ce matin, 7 détenus de la prison de Domingueau suspectés d'avoir participé à la bagarre générale il y a une semaine dans l'établissement. Une bagarre qui, au dire des syndicats de gardiens, s'était retournée contre les agents de la pénitentiaire. Hier, 11 détenus ont été entendus au commissariat de Malartic. 7 seront présentés ce matin en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. La rapidité de traitement de cette affaire par la police et le parquet devraient apaiser les surveillants de Domingueau. Ils s'étaient mobilisés en masse après ces violences d'une ampleur inédite à La Réunion, selon eux, Antoine Garnier. Ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire se plaignent depuis plusieurs mois de conditions de travail de plus en plus difficiles. D'abord parce qu'ils sont en sous-effectif à Domingueau, où actuellement 12 postes ne sont pas pourvus, mais aussi selon eux, parce qu'ils sont confrontés à une violence grandissante de la part de certains détenus. Alors, en réponse aux échauffourées qui ont fait 7 blessés du côté des surveillants, l'intersyndicale UFAPUNSA-CGTFO réclame une réponse ferme de la justice. La rapidité avec laquelle l'enquête a été menée est un bon signe pour Vincent Pardoux, secrétaire adjoint de Force ouvrière pénitentiaire. On a deux sources de satisfaction à l'heure d'aujourd'hui. La première, c'est cette réponse pénale rapide qui nous a été faite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a déjà eu une réponse pénitentiaire interne à l'établissement où les détenus concernés par cette bagarre sont passés en commission discipline et ont reçu des peines disciplinaires, en fait. Parmi ces mesures, il y a le placement à l'isolement de plusieurs mises en cause. Mais cela n'adoucit pas forcément les mœurs si l'on en croit l'agitation dont certains ont fait preuve lorsque les policiers les ont conduits au commissariat Malartic hier matin. Antoine Garnier. Dans l'actualité de ce mardi, la nouvelle journée de mobilisation générale contre la loi travail, journée de grève nationale. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, tous les programmes ne sont pas assurés. Normalement, les syndicats demandent le retrait pur et simple du texte du gouvernement. Pour Marie-Hélène Dore, la secrétaire départementale de la FSU, le dialogue social est rompu. C'est moins qu'on puisse dire. Et puis les déclarations fracassantes du Premier ministre ou du Président sont assez éclairantes sur l'état de fébrilité qui règne aujourd'hui à la tête de l'État. D'abord, Manuel Valls nous donne des leçons de démocratie, c'est assez intéressant. Parce que la démocratie, elle n'est pas dans la rue, mais dans le vote, dit-il. Mais enfin, le 49-3, je ne sais pas où il le situe dans sa hiérarchie. Et puis quand M. Hollande nous explique qu'il faut savoir arrêter une grève, écoutez, la réponse qu'on doit lui faire, elle est évidente. Il faut savoir retirer une loi, voilà, tout simplement. On va continuer à se battre, bien entendu, et on observe d'ailleurs qu'en métropole, ça bouge beaucoup, parce qu'ils ont la conviction, et bien sûr, on la partage, que cette loi, elle doit être impérativement retirée, parce qu'elle est plus que nuisible. Marie-Hélène Dor, la secrétaire départementale de la FSU, au micro de Nadine Bachelot. À Saint-Denis, un rassemblement est prévu à 9h devant le Petit Marché. Un défilé mènera les manifestants jusqu'à la préfecture. Les syndicats ne sont pas les seuls à combattre ce projet de loi. Pour certains députés socialistes, le texte n'est pas bon. Jean-Claude Fruteau, le député maire de Saint-Benoît, était l'invité de Devant la Réunion hier soir sur Réunion Première. Ce n'est pas son avis. Pour lui, le projet de loi n'est pas si mauvais. Je pense que c'est une assez bonne loi. C'est une loi qui a pour objectif de répondre à la situation économique et sociale d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont arc-boutés sur le code du travail. Souvent d'ailleurs, ils n'en connaissent pas la première page. Mais on leur dit, voilà, c'est comme ça, on va changer, on veut baisser la protection que vous avez. On peut le concevoir comme ça. Qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour nous, pour moi? Qu'est-ce pour mes enfants? Est-ce que c'est de s'arc-bouter sur le code du travail et dire non, ça ne changera pas, on ne changera pas, ou on change quelque chose, mais on ne perd pas son boulot. C'est ça qui me paraît le plus important. Il faut savoir s'adapter. Jean-Claude Fruteau, interrogé hier par Sophie Persson dans Devant la Réunion sur Réunion Première. Et à 7h15, Philippe Dornier recevra Samantha Potin, la secrétaire générale de l'UNEF Réunion, l'Union Nationale des Étudiants de France. Il sera bien sûr question de la mobilisation étudiante contre la loi El Khomri. On parle de travail toujours avec cette question. Les outils numériques améliorent-ils, oui ou non, nos conditions de travail? Pour faire le point, l'ARVIS ouvre le débat à partir de demain et jusqu'à vendredi. En partenariat avec la CGSS et la DIECT, l'Association réunionnaise pour la valorisation des initiatives socio-économiques organise à la Nordev la 13e semaine pour la qualité de vie au travail sur le thème « La révolution numérique, comment anticiper ses effets sur nos conditions de travail ?» Des entreprises viendront témoigner, des experts aussi. Point de départ des échanges, une enquête nationale déclinée localement, une étude réalisée par Ipsos, par téléphone auprès de 330 salariés et de 50 chefs d'entreprise de Lille. Elle a permis d'évaluer les perceptions et les usages du numérique au travail. Quels sont les résultats de cette enquête? Eh bien, globalement, les Réunionnais sont à l'aise avec le numérique. Maude Armingot est chargée de mission à l'ARVIS. Ils considèrent en grande majorité que ce sera une opportunité et pour eux-mêmes en tant que salariés et aussi pour les entreprises et structures dans lesquelles ils travaillent. Les chefs d'entreprise également voient le numérique comme une opportunité, bien entendu. Ce qui ressort par contre, c'est que 4 salariés sur 10 considèrent qu'il y a eu, en lien avec le numérique, une dégradation des conditions de travail, en particulier sur tout ce qui est pression relative au délai et sur la charge de travail. Et par contre, sur ce même élément, est-ce que le numérique a dégradé les conditions de travail, on se rend compte que les chefs d'entreprise, il n'y en a qu'un sur 10 qui répond que ça a dégradé les conditions de travail. Donc on voit un écart entre l'avis des salariés et l'avis des chefs d'entreprise sur une déclaration ou non des conditions de travail en lien avec le numérique. Maude Armingot de l'ARVIS au micro de Daniel Dambreville. La révolution numérique, enjeux, risques et opportunités, c'est à partir de demain à la Nordev. Il est candidat à la primaire à droite, primaire qui réunit aussi des candidats du centre pour la future présidentielle en 2017. Bruno Le Maire est arrivé hier à La Réunion après Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, il est donc en campagne jusqu'à vendredi soir dans notre île. À ses côtés, Yves Jégot, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer et député de Seine-et-Marne, et Sébastien Lecornu, président du conseil départemental de l'Eure. Hier midi, pour entamer cette visite, un rendez-vous était organisé avec la plateforme des élus de droite du parti Les Républicains. Autour de la table, Nassima Dindar et Joseph Sinimalé. Bruno Le Maire sera-t-il le candidat de Nassima Dindar? Nous sommes pour le candidat qui apportera le projet le plus abouti avec les élus. Parce que quand nous sommes élus, nous sommes là pour que la population trouve des conditions d'amélioration de leur vie. Vous allez soutenir, vous, la candidature de Bruno Le Maire? Je soutiens le projet Réunion. Je n'ai jamais dit à Bruno Le Maire qu'il était mon candidat. Nous venons d'abord l'écouter parce que nous avons lu, en tous les cas moi personnellement, les projets qu'il a pour la France au niveau hexagonal. Je souhaite l'entendre, ce qu'il entend lui mener, quelle est la vision qu'il a pour le développement des territoires ultramarins et en premier chef l'île de La Réunion. Nassima Dindar, la présidente du conseil départemental, interrogée par Delphine Poudroux. Deux autres élus de droite devaient assister à cette rencontre, mais ne sont pas venus. Didier Robert, qui s'est excusé d'avoir dû prendre l'avion dimanche soir, et Michel Fontaine, engagé hier dans un projet de signature pour l'ANRU, s'est également excusé. C'est un grand appel lancé aux donneurs de sang aujourd'hui. C'est la journée mondiale du don du sang et le rendez-vous est pris au Parc des Expositions à Saint-Denis. Ce sera le site unique pour donner tout au long de la journée. Ce rendez-vous de fin d'année scolaire devrait permettre de regonfler les stocks avant les vacances, une période toujours critique pour les malades qui ont besoin de sang toute la journée. Donc 9 infirmiers, 5 médecins, 4 secrétaires, 3 agents de collation et une quinzaine de bénévoles seront à la Nordef pour vous accueillir, Bruce Régent. En fonction de l'horaire que vous choisirez, comptez environ une heure entre l'arrivée et le départ. Sur les 20 lits de prélèvement, il y aura peut-être des pics de fréquentation, mais Aude Le Talec, médecin responsable de la collecte, ne peut que s'en réjouir. Les précédentes éditions, on avait du monde dès l'ouverture, dès 9h. Entre midi et 2, on risque d'avoir du monde, puisqu'on espère aussi que toutes les petites entreprises de la zone profitent de l'occasion. Et ça dure jusqu'à 17h. Là où il faut à tout prix éviter l'embouteillage, c'est auprès de Cindy et des autres infirmiers. Il va falloir que ça débite 10 minutes maxi avec l'aiguille dans le bras. Donc là, nous, on est dans le carré de prélèvement. Le sang va couler. Ouais, mais dans des poches, donc ça va. Il y a combien de tubes là ? Ouh, alors énormément. Pour un don, il nous faut 6 tubes. De toutes les couleurs, parce que les examens sont différents en fonction des tubes. Donc c'est vrai que pour une journée comme ça, il nous faut beaucoup de matériel. Tout ça dans des conditions d'hygiène et de sécurité optimales ? Ah, toujours. Tout notre matériel est bien sûr à usage unique. Là, toute la salle a été préparée par le personnel de la Nordev, nettoyée. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'espace. Et que malgré le fait que cette année, le rendez-vous tombe en pleine semaine, l'actualité sociale va peut-être aider. Eh bien, on espère que si les gens sont en grève, ils se mobilisent pour le don du sang, parce que les malades nous attendent les donneurs surtout. Il devrait être environ 500 aujourd'hui, ce que les besoins en sang de La Réunion et de Mayotte absorberont très bien. Avec les grandes vacances, les stocks de sang sont toujours à renforcer. C'était un reportage de Bruce Régent. L'info revient à 7h. C'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. La compétition a à peine commencé, mais en termes financiers, tout ou presque est déjà joué. L'Euro 2016 de football, c'est une entreprise très prospère autant qu'une compétition sportive. Reste donc une question, combien l'Euro de football va-t-il rapporter ou coûter à l'économie française, Sébastien ? L'Euro 2016 de football a déjà battu des records en termes financiers, avec un chiffre d'affaires attendu pour l'UEFA de près de 2 milliards d'euros, dont un quart pour la seule vente des places, entre 25 euros pour les moins chers et 895 euros pour la meilleure catégorie en finale au Stade de France. Le reste, ce sont les sponsors et la foultitude d'activités et de produits dérivés. L'UEFA s'en sortira donc bien, c'est sûr. Mais qu'en sera-t-il pour la France ? Le coût de construction ou de rénovation des 10 stades a par exemple été de 1,6 milliard d'euros, dont 600 millions apportés par l'État ou les collectivités. Attention, on parle notamment des stades de Lyon, Bordeaux ou Lille, des projets qui auraient existé même sans l'organisation de l'Euro en France. Mais l'une des mesures qui a fait le plus grincer des dents, c'est l'exonération fiscale qui a été accordée à l'UEFA pour l'organisation de l'Euro dans l'Hexagone. Une exonération justifiée par le préfet Jacques Lambert, le président du comité d'organisation de l'Euro. C'était une disposition du cahier des charges de la candidature. L'UEFA est exonérée de l'impôt sur les bénéfices. Nous avons calculé que ça représenterait pour le fisc français un manque à gagner compris entre 40 et 50 millions d'euros. Le seul produit de la TVA produit par l'activité supplémentaire créée par l'Euro est estimé à 180 millions. Donc de toute façon, l'impact fiscal, il est positif pour le pays. Plus globalement, les retombées économiques pour la France, liées notamment à la présence de supporters étrangers, sont estimées à plus de 1 milliard d'euros. Les travaux sur les stades auraient aussi permis de créer 20 000 emplois, selon une étude du SDES, le Centre de droit et d'économie du sport. Mais les records ne s'arrêtent pas là. Les professionnels des paris en ligne attendent par exemple au moins 150 millions d'euros de mise durant la compétition. Et le football, dans tout ça, les équipes ne sont pas oubliées. L'UEFA va leur distribuer 301 millions d'euros. C'est la deuxième compétition la mieux dotée au monde après la Ligue des Champions. Enfin, en cas de victoire, ce seront les joueurs belges qui recevront la plus grosse prime de leur fédération, 700 000 euros chacun. Si les Bleus finissent champions d'Europe, ils n'auront que 300 000 euros, autant que les Allemands. C'était la chronique économique présentée par Sébastien Letard sur Réunion Première. Juste avant de rejoindre Yves Gruyer donc pour l'information routière, et je vous rappelle qu'il y a une voiture qui est partie en toupie entre Stella et la Ravine du Cap. Donc la voiture est signalée par la direction régionale des routes, mais prudence dans ce secteur, c'est dans le sens sud-nord. Alors les côtes ouest et sud de la Réunion sont en vigilance forte houle jusqu'à aujourd'hui. Cet après-midi, 16h locale, prudence en bord de mer. Le soleil, il est en train de se lever, justement, normalement prévu aux alentours de 7h-10. Quelques averses qui peuvent encore arroser le sud de l'île ce matin. C'était le cas au Tampon, Saint-Philippe, le littoral du sud sauvage, Petite-Île et Saint-Louis. Prudence si vous êtes sur la route, côté température 4 degrés au 27e kilomètre à la plaine des Cafres ce matin et 20 degrés en moyenne sur le littoral. Suite à un mouvement de grève, ce bulletin ne pourra pas être actualisé régulièrement. La production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Et nous allons tout de suite rejoindre Yves pour l'inforoute. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Sur la route des Tamarins, aux environs des Avirons, Yves. Oui, c'est le changement de temps. Alors, changement de temps, il y a ce vent. Et puis, souvent, ici, sur la pointe des Avirons, secteur Le Plate, hein, c'est généralement sur cette zone, quand il y a les fronts froids qui passent, eh bien, vous avez la partie sud qui est arrosée et la partie nord qui est plus au sec. C'est pour ça que du côté de Saint-Leu, ils sont quand même souvent à l'abri de la pluie. Et puis en dessous, eh bien, donc, ça c'est complètement trempé. Donc la chaussée est toujours très mouillée. De temps en temps, petite farine de pluie, parfois quelques gouttes un peu plus soutenues. Donc la route reste de toute façon très glissante. Attention, vous l'avez signalé, rappelé. Donc il y a toujours ce véhicule qui est en attente d'un camion de remorquage. Juste après, c'est là, en direction de la ravine du Cap, hein, donc vers Saint-Leu, c'est dans le sens sud-nord. C'est produit cette perte de contrôle tout à l'heure avec un véhicule bien endommagé sur la partie avant. Et après la ravine du Cap, il y avait également un autre véhicule arrêté. Alors lui, sur la bande d'arrêt d'urgence, il avait l'avant droit qui était soulevé. Alors, est-ce qu'il était en train de changer sa roue ? Je ne sais pas. Voilà. Donc attention, prudence donc pour ces véhicules en arrêt. La circulation qui se fait avec toujours ce ralentissement après la tranchée, donc en haut du viaduc, hein, donc pas de changement. C'est la bonne nouvelle. Entrée ouest de Saint-Denis, eh bien, c'est au niveau de la caserne d'Ambert pour le début des petites zones perturbées. Donc le pont Vinsan, les tranchées sont encore fluides. L'entrée est également, les ralentissements se faisant surtout autour de Sainte-Suzanne jusqu'à Ravine des Chèvres pour le moment essentiellement. Prudence sous la pluie puisque donc il y a encore des zones très humides, secteur sud. Bonne route à tous, à tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Première. Le Mac du soir. Discuter, commenter l'actualité de ces derniers jours avec les collègues de la presse écrite et de la presse en ligne. Le 49-3, les Panama Papers. Là, ce qui est en train de se passer, ça n'est pas étonnant. Et ceux qui aiment partager leur savoir-faire. C'est le respect de la nature et le respect de l'être humain. Lundi au vendredi, le Mac du soir, après le journal de 18h, sur Réunion Première. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence-concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses lentons seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? Wouhou ! À votre tour d'être si heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Vous écoutez Réunion Première. Avant de vous donner les pronostics de Pascal Maillot et du Fouineur du Gire, on s'intéresse à la presse écrite. Cécile Thomas. Et on commence avec le quotidien Jackie qui s'intéresse en une à Mayotte ce matin. Crise à Mayotte, comment éviter la contagion ? Le journal donne la parole à la diaspora. Autre titre, accusé de viol, le ségatier de Petite-Île remis en liberté. En conflit avec Châtel, Isotier condamné pour contrefaçon. Le Chaudron innove. fabrication d'un triporteur 100% local. Massacre d'Orlando aux USA, le tueur inspiré mais pas dirigé par l'État islamique pour le quotidien. Enfin, l'Euro de football, l'Espagne de justesse, la Suède en échec. Les temples tamouls en une, journal de Lille. Pour éviter les vols et les dégradations, les lieux de culte s'équipent de caméras. Les temples passent sous haute surveillance, titre le GIR. Autre titre, violence à Domingue, 7 détenus jugés ce matin. Loi travail, encore une journée de mobilisation. Fusillade d'Orlando, le FBI cherche un lien avec l'État islamique. Et puis en football, l'Espagne gagne péniblement. Dans la presse nationale, que reste-t-il de la loi El Khomri? C'est la question posée en une d'aujourd'hui en France. Les syndicats espèrent une forte mobilisation aujourd'hui à Paris pour la grande manifestation nationale contre la loi travail. Pourtant, le projet n'a déjà plus grand-chose à voir avec sa version initiale, écrit aujourd'hui en France. Autre titre, football avec Patrice Evra qui dit « Je suis encore jeune » et puis en marge de l'Euro, hooligan, le péril russe. La flambée de violence survenue samedi à Marseille a mis en évidence le rôle de groupe de supporters russes ultra-nationalistes et très organisés. La fusillade d'Orlando en une, journal Le Monde. Orlando, le deuil et la colère, titre le journal. 50 personnes ont été tuées samedi dans une boîte de nuit gay en Floride, la pire fusillade de l'histoire des États-Unis. Le tueur, Omar Mateen, un Américain d'origine afghane, s'est réclamé de l'État islamique. La communauté gay craint de nouveau des violences en dépit des avancées de ces dernières années. Autre titre, loi travail, la CGT veut sauver sa place de premier syndicat. Et puis Euro 2016, dans la peau d'un hooligan. Orlando, également une du Figaro ce matin. L'onde de choc, titre le Figaro, plongé dans le deuil après la fusillade qui a fait une cinquantaine de morts à Orlando. Les Américains entament l'examen des responsabilités sur fond de campagne présidentielle. Reportage à lire ce matin dans le journal. L'Amérique unie dans la douleur mais divisée sur la riposte. La communauté gay de New York traumatisée. Décryptage, comment Daesh inspire des loups radicalisés. Autre titre, Henri Guénot, candidat à la primaire à droite. La tuerie d'Orlando en une de Libération. La cible arc-en-ciel, titre Libé, après la tuerie homophobe revendiquée par l'EI qui a fait 49 morts dans un club gay de Floride, le deuil et la colère envahissent les communautés LGBT du monde entier. Autre titre, loi travail, un mois de négo secrète, des piquets de grève au ministère, les coulisses de la crise. L'équipe de France de football en une de l'équipe. Avec le casse-tête de Deschamps pour affronter l'Albanie demain, le sélectionneur des Bleus envisage de se passer de Pogba et de Griezmann, remplacé par Coman et Martial. Deschamps va-t-il ainsi faire jouer son équipe en 4-2-3-1 avec Payet en meneur de jeu? C'est la question et réponse demain. Euro toujours, un titre qui plaira à Antoine Garnier. L'Italie est éternelle, annoncée comme moribonde. La nationale a pourtant puni la Belgique et remporté le premier grand match de cet Euro 2-0. Et puis cet autre résultat, Espagne 1, République tchèque 0. L'Espagne se rassure, écrit l'équipe. Alors qu'en rugby, à lire le coup de gueule de Marc Lièvremont. Antoine, si tu nous écoutes, prends soin de toi. Cécile Thomas, c'est quoi, comment il appelle le cheval numéro 2? Le cheval numéro 2 dans la course cheval, c'est Zlatan in Paris. C'est elle, yes. Ça alors. Un cheval, il appelle Zlatan. Trop de noms. Ouais, écoute, vite, sûrement. On va passer aux courses maintenant. Merci Cécile Thomas, vous revenez à 8h. À 8h. À notre journal. L'arrivée dans l'ordre pour gagner hier, il fallait miser sur le 12, le 8, le 6, le 15 et l'As. Il y avait 3 non partants, le 3, le 5 et le 16 étaient non partants. Le numéro plus c'est le 22-98 et c'est l'Hippodrome de Nantes qui nous intéresse cet après-midi à 15h47. Montant de la tirelire, 5 200 000 euros. Il y aura combien de partants? Ben, un en moins, ça c'est sûr, puisque le 8 est non partant aujourd'hui et Pascal Maillot vous conseille de miser sur le 5. Le 7, le 6, la suite de son pronostic, le 3, l'As, le 2, le 11, le 10 et le 14. Les pronostics de Pascal Maillot, le 5, le 7, le 6, le 3, l'As, le 2, le 11, le 10. Et puisqu'il y a un non partant, le 8 est non partant, misez sur le 14. Voici les pronostics du fouineur, du GIR, le 5, le 6 et l'As. La suite de son pronostic, le 7, le 13, le 11, le 3 et le 10. On fera un rappel de ces pronostics ce matin à 9h58, l'arrivée juste après 16h sur Réunion Première. Bonjour Michael, je veux faire un jeu. Et ce jeu, vous le ferez avec Lionel Olivier tout à l'heure à 10h30 pour repartir avec deux places de ciné pour aller voir Warcraft, le commencement. Allez, dans quelques secondes, Radio Novella. Réunion première. Bonjour aux autres toutes. Hey, on est où là? On est en train de les tout bas. On est en train de baquer les tout bas et toi t'es où? Moi au travail, moi là. Et moi on a une petite question pour vous. Ben, où ça, où trouve l'inspiration pour vos questions là? Ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Ah, ben alors? Ben oui. Grand matin. Qui réveille la réunion? Sur Réunion première. Ben oui. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Ben oui. Ah ben oui. Ah oui. Yannick, c'est qui? Yannick, c'est moi. On habite toujours les là-haut? Ben oui. Novéliens, novéliennes, vous serez très bientôt appelés aux urnes du conseil bigmental de la planète Bigmenton. Choisirez-vous la boîte macro ou le rougail zaran? Encore, le rougail senouk viendra-t-il perturber le suffrage? Voici Radio Novella sur la première. Précédemment dans votre Radio Novella. Bon ben c'est Jean-Loulou, ou saute vaisseau l'île, embarré avant un coup de tabadaille à vient. Notre vaisseau est garé sur le parking d'ailleurs. Allons-nous? Nous allons pour les peurs chemin. Gougout, Carpaille, Mamadou et Rakoto ont été secourus par les sergents Loulou et Boutin alors qu'ils allaient se faire dévorer par les Marsadiens. Mais avant de les ramener sur la Terre, nos deux sergents de l'espace doivent d'abord passer sur leur planète Bigmenton. Notre bande de Dallons se trouve à présent dans le vaisseau des Bogdaniens. Gougout décide de demander des explications. T'es, ben pourquoi il faut nous passer dessus ton planète avant? Allons déposer à nous faire dessus la Terre finir que ça. Ben c'est promis, monsieur le humain. Dès que nous a fini de voter, nous ramène Azad dessus la planète, parce qu'aujourd'hui, il faut voter, oui! Quoi? Voter? Mais vote pourquoi? Ben parce que, monsieur le humain, ce dimanche, sur Bigmenton, c'est la journée mondiale du zaran. Une fois par an, les habitants de la planète n'ont pas le droit de manger un bon rougail zaran ou bien une boîte macro. Quoi? T'as pour conseiller, t'as quoi? T'en as pour dire nous comme ça, tu as un descendant dessus ton planète, pour voter pour un rougail zaran, sinon une boîte macro? C'est quoi, ils sont encore tués? Ben oui, monsieur le humain, c'est parce que sur Bigmenton, au lieu de s'occuper des vrais problèmes, le conseil bigmental a décrété que nous devons manger uniquement saucisses frites, Red Chouchou et Xaïko Rouge. Et les Bogdaniens, t'es pas content? Oui! Les conseillers de l'opposition, la vie comme ça, au moins une fois par an, nous peut manger un rougail zaran ou une boîte macro. Parce que, pour changer un peu, non? Tout le temps saucisses frites et Red Chouchou? Donc, le chef de Zaranville, là, décide de faire un référendum pour demander aux Zaranvilliens si ça peut être d'accord pour garder ou pas la journée mondiale du zaran, ou bien nous changeons boîte macro. T'es ben, ça n'a pas de type gratté, qui? C'est ça. Là, besoin de faire un référendum pour ça. Là, pour notre affaire pour occuper. Ben, mon cher humain, nous n'a rien à foutre de problème, nous. Ce qui est important, nous, sur Bigmenton, c'est de faire battre la langue. Plus nous parle, plus nous est content. Peu importe si la situation a changé ou pas, il faut que nous parle. Et nous parle des affaires inutiles. Parce que si nous règle le problème, personne n'y parlera plus. Et si nous parle plus, ben nous parle plus. Nous est comme le bon parle pas. C'est pour ça que les politiciens de Bigmenton, ils divisent à nous de ce sujet inutile. Vous faites parler des autres, peu importe qui s'en attend ou qui s'en a raison, du moment qu'ils font parler des autres, ça t'es content? T'es ben, à où on a l'air d'être un bougassin intelligent si on a compris nos affaires? Pourquoi vous dit pas banal et ça que banal fait l'inutile? Ben tout simplement parce que nous c'est de macro. Nous y aime bien qu'on a de commérage. Quand on avait l'élection du conseil bigmental, nous la vote pour celui qui voulait pas du rougail zaran, ni du boîte macro d'ailleurs. Alors que nous y aime le rougail zaran et nous y aime le boîte macro. T'es, ben c'est lui dans la zone qui est avec saucisse frite et son bras de chouchou. Pourquoi c'est la vote pour lui? T'es, les frères, moi, je comprends pas. Les autres, ils votent pour un monde, après, ils ont trouvé votre grand gueule. Ben justement, messieurs les humains, comme ça, nous devons parler. Plus nous parlons, plus nous est content. Et le journaliste est content. Là-bas, ils parlent là. Ils parlent dans la radio, ils parlent dans la télévision, ils parlent dans l'internet. Pas tout journaliste, ils parlent. Ouais, d'accord. Tu parles. Tout à fait. Ouais, d'accord. Non, je ne suis pas chez le micro, je suis chez un téléphone, parce que l'appareil ne marche pas bien. Bonne journaliste est heureux, moulant. Et n'espère qu'il résoudra pas le problème. Comme ça, nous allons parler. En ce moment, nous parlons rien que ça même. Ah bon? Et vous êtes plutôt macro ou zaran? Eh ben, moi, monsieur le humain, ni préfère le zaran. Mais ils votent pour le macro. Mais pourquoi vous votez pour le macro si vous êtes des zarons? Ben parce que nous connaissons pas que ça nous veut. C'est ça que les gaillards. Ben mon nom, il est bien compliqué cette affaire là. Et sinon les humains, comment il se passe pour vous sur la planète? Ben c'est un peu le même merde même. Ben oui. Première. Alors, vous connaissez pas plus d'autres, mais moi les arends. Allez, des nouvelles du trafic, tout de suite sur la première. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. L'information routière en direct de l'étang salé, Yves. Attention, donc route mouillée, parfois même très glissante, parce qu'il y a en plus des traces de gasoil de corps gras, ça arrive fréquemment. Donc attention à être bien prudent, utiliser le frein moteur plus que les coups de frein. Le véhicule dégagé, celui qui s'est retrouvé donc à contresens tout à l'heure, juste après les Stella et avant la ravine du Cap. Le véhicule a été pris en charge par un camion de remorquage. Donc incident terminé. Le trafic se fait correctement. Route sèche une fois passé le portail et Stella justement, donc enfin un peu plus haut, donc pas loin de la ravine des Poux. Et puis ensuite, le trafic est ralenti toujours à cette sortie de tranchée couverte, mais pas encore. Trop embouteillé sur cette partie redescendant vers Saint-Paul. L'entrée ouest, c'est sous le tunnel du Cap Bernard avec un pont Vincent chargé à peu près de moitié. Il y a un peu de monde également sur la fin du Lancastel à partir du pont Pasteur si vous allez vers le Barachois. Une entrée est encore plutôt roulante, mais les ralentissements se font sur le début de la voie de contournement de Sainte-Marie jusqu'à pratiquement le plateau de la Mare en provenance de Sainte-Suzanne. Levez le pied dans le sud, prudent sur le littoral ouest et de grosses houles à tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Dans 15 minutes, Samantha Potin, secrétaire générale de l'UNEF Réunion, l'Union nationale des étudiants de France, répondra aux questions de Philippe Dornier. Il est 7h. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. L'info revient à 7h30. Allez,